France Inter. Le 6-7. Et à 6h48, tous les matins de l'été, ça rock sur France Inter à l'occasion des 40 ans de la mort d'Elvis Presley. Ce sera le 16 août et à cette occasion, hommage avec Magic Elvis. Ce matin, on s'interroge sur la construction de sa légende. Philippe Robin retrace une recette à succès. En marchant dans les allées de Graceland et en voyant tout ce qui s'est construit durant 30 ans à la mémoire d'un chanteur, une question m'occupe l'esprit. Sachant qu'à la même époque, des artistes comme Chuck Berry, Bill Haley, Carl Perkins ou encore Jerry Lee Lewis connaissaient eux aussi un grand succès, pourquoi à un certain moment, les jeunes des années 50 ont-ils préféré Elvis Presley? C'est Jacques Delessert, auteur du livre « Elvis, mon ami », qui m'apporte une première réponse. Premièrement, il avait une voix spéciale, et puis c'est un type qui avait une gueule, qui est vraiment un type, un physique assez dingue. Ses déhanchements, c'était tout à fait scandaleux, donc c'était quelque chose de révolutionnaire, vraiment. Même que Bill Haley bougeait pas mal, Gene Vincent voulait pas mal, mais vraiment Elvis, c'était le top. Hein. Puis en plus, il avait cette gueule, les cheveux gominés, sa veste en lamé or, c'était quelque chose d'extraordinaire. Had a dream about you, baby. L'arrivée d'Elvis avait donc été une surprise pour tout le monde. Il avait complètement balayé ce qu'il y avait avant. Si toutefois il y avait quelque chose avant. Jackie Chalard. Ça peut se résumer à une seule phrase, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est John Lennon. Avant Elvis, il n'y avait rien. Et ça veut tout dire. Il n'y avait rien au niveau de la musique, il n'y avait rien au niveau du look. Qui a été le premier qui a mis un coup de pompe dans tout? C'est quand même Elvis. Carl Perkins, il chantait aussi, il jouait de la guitare. Jerry Lee, il n'est pas dépourvu de personnalité non plus. Ils n'ont pas quand même changé la culture américaine, peut-être même la culture mondiale, comme Elvis. C'est sur Elvis que c'est tombé. Well, honey, I love you too much. I need your love too much. Who want my thrill of your tough energy? I can't love you too much. You do all the living while I do all the giving. Joe Esposito, lui, avait 16 ans et vivait à Chicago quand la vague Presley a déferlé sur les États-Unis. Celui qui allait devenir plus tard son meilleur ami reconnaît qu'avant même de le connaître personnellement, il était déjà fan du King. Comme on le sait, dans les années 50, la musique était plutôt calme avec Perry Como, Dean Martin, Sinatra, qui sont de bons chanteurs aussi. Mais quand Elvis est arrivé, c'était quelque chose qu'on n'avait jamais entendu. Alors on s'y est intéressé. Il y avait d'autres chanteurs de rock, mais Elvis était plus fort. Il chantait avec son cœur et sa voix était spéciale. Et puis les gens sont devenus fous de lui. On l'adorait vraiment. Les premiers pas d'Elvis sur scène se sont passés d'une manière assez étonnante à Memphis. C'est sa cousine Louise Smith qui raconte ce moment qu'elle a vécu à ses côtés. In the beginning of rock and roll was Elvis performing on a flatbed. J'ai vu le début du rock and roll. C'était Elvis qui chantait sur la remorque d'un camion devant un magasin à l'angle des rues Lamar et Airways à Memphis. Il était très nerveux. Il avait peur que les gens ne l'aiment pas. Mais il était génial. C'était le début du rock. Et d'une remorque de camion, regardez où il est arrivé. En 1954, la carrière d'Elvis débutait donc sur cette toute petite scène, mais aussi sur la radio locale de Memphis, qui diffusait régulièrement son premier disque commercial, une reprise d'Arthur Crudup, intitulée That's Alright, dont voici l'une des premières versions. Well, that's all right, mama. That's all right for you. That's all right, mama. Just any way you do, that's all right. That's all right. That's all right now, mama. Any way you do. And mama, she done told me. Papa done told me too. Son, that guy you fooling wish she ain't no good for you, but that's alright. That's alright. That's alright now, mama. Magic Elvis, une série signée Philippe Robin que vous retrouvez tous les matins sur France Inter.